Ésaïe chapitre 2. La parole qu'Ésaïe, fils d'Amos, a vu touchant Juda et Jérusalem. Or il arrivera au dernier jour, que la montagne de la maison de l'Éternel, sera affermie au sommet des montagnes, et qu'elle sera élevée par-dessus les coteaux, et toutes les nations y aborderont. Et plusieurs peuples iront, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Il exercera le jugement parmi les nations, et il reprendra plusieurs peuples, ils forgeront de leurs épées des oyaux, et de leurs hallebardes des serpes, une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et ils ne s'adonneront plus à la guerre. Venez, ô maison de Jacob, et marchons dans la lumière de l'Éternel. Certes tu as rejeté ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils se sont remplis d'Orient, et de pronostiqueurs, comme les Philistins, et qu'ils se sont plu aux enfants des étrangers. Son pays a été rempli d'argent et d'or, et il n'y a point eu de fin à ses trésors, son pays a été rempli de chevaux, et il n'y a point eu de fin à ses chariots. Son pays a été rempli d'idoles, ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fait. Et ceux du commun se sont inclinés, et les personnes de qualité se sont baissées, ne leur pardonne donc point. Entre dans la roche, et te cache dans la poudre, à cause de la frayeur de l'Éternel, et à cause de la gloire de sa majesté. Les yeux hautains des hommes seront abaissés, et les hommes qui s'élèvent seront humiliés, et l'Éternel sera seul haut et élevé en ce jour-là. Car il y a un jour assigné par l'Éternel des armées contre tout orgueilleux et hautain, et contre tout homme qui s'élève, et il sera abaissé, et contre tous les cèdres du Liban haut et élevé, et contre tous les chênes de Bazan, et contre toutes les hautes montagnes, et contre tous les coteaux élevés, et contre toute haute tour, et contre toute muraille forte, et contre tous les navires de Tarsis, et contre toutes les peintures de plaisance. Et l'élévation des hommes sera humiliée, et les hommes qui s'élèvent seront abaissés, et l'Éternel sera seul haut et élevé en ce jour-là. Et quant aux idoles, elles tomberont toutes. Et les hommes entreront aux cavernes des rochers, et aux trous de la terre, à cause de la frayeur de l'Éternel, et à cause de sa gloire magnifique, lorsqu'il se lèvera pour châtier la terre. En ce jour-là l'homme jettera aux taupes et aux chauves-souris les idoles de son argent, et les idoles de son or, qu'on lui aura faites pour se prosterner devant elles. Et ils entreront dans les fentes des rochers, et dans les quartiers des rochers, à cause de la frayeur de l'Éternel, et à cause de sa gloire magnifique, quand il se lèvera pour punir la terre. Retirez-vous de l'homme duquel le soufflet dans ses narines, car quelqu'un mérite-t-il qu'on en fasse?